Sainte Bible selon Saint Jérôme, lecture du livre de l'Exode au chapitre 8. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Allez trouver le Pharaon, et dites-lui, voici ce que dit le Seigneur, laissez aller mon peuple afin qu'il me sacrifie. Que si vous ne voulez pas le laisser aller, je frapperai toutes vos terres, et je les couvrirai de grenouilles. Le fleuve fourmillera de grenouilles, qui entreront dans votre maison, qui monteront dans la chambre où vous couchez et sur votre lit, dans les maisons de vos serviteurs et dans celles de tout votre peuple, dans vos fours et sur le reste de vos viandes. Et ces grenouilles monteront vers vous, vers votre peuple et vers tous vos serviteurs. » Le Seigneur dit donc à Moïse, « Dites à Aaron, étendez votre main sur les fleuves, sur les ruisseaux et sur les marais, et faites venir des grenouilles sur la terre d'Égypte. » Aaron étendit sa main sur les eaux d'Égypte, et les grenouilles en sortirent et couvrirent l'Égypte. Les magiciens firent aussi la même chose par leurs enchantements, et ils firent venir des grenouilles sur la terre d'Égypte. Le Pharaon appela ensuite Moïse et Aaron, et il leur dit, « Priez le Seigneur afin qu'il me délivre, moi et mon peuple, de ces grenouilles, et je laisserai aller le peuple afin qu'il sacrifie au Seigneur. » Moïse répondit au Pharaon, « Marquez-moi le temps auquel vous voulez que je prie pour vous, pour vos serviteurs et pour votre peuple, afin que les grenouilles soient chassées loin de vous et de votre maison, de vos serviteurs et de votre peuple, et qu'elles ne demeurent que dans le fleuve. » « Demain, » répondit le Pharaon. « Je ferai, dit Moïse, ce que vous me demandez, afin que vous sachiez que rien n'est égal au Seigneur notre Dieu. Les grenouilles se retireront de vous, de votre maison, de vos serviteurs, de votre peuple, et elles ne demeureront plus que dans le fleuve. » Moïse et Aaron étant sortis de devant le Pharaon, Moïse cria au Seigneur au sujet de la promesse qu'il avait faite au Pharaon de le délivrer des grenouilles au jour qu'il avait marqué. Et le Seigneur fit ce que Moïse lui avait demandé. Et les grenouilles moururent dans les maisons, dans les fermes et dans les champs. On les amassa en de grands monceaux et la terre en fut infectée. Mais le Pharaon, voyant qu'il avait un peu de relâche, appesantit son cœur et il n'écouta point Moïse et Aaron comme le Seigneur l'avait ordonné. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Dites à Aaron, étendez votre verge, et frappez la poussière de la terre, et que toute la terre de l'Égypte soit remplie de moucherons. » Ils firent ce que Dieu leur avait dit, et Aaron, tenant sa verge, étendit la main, et frappa la poussière de la terre. Et les hommes et les bêtes furent couverts de moucherons, et toute la poussière de la terre fut changée en moucherons dans toute l'Égypte. Les magiciens voulaient faire la même chose par leurs enchantements, et produire de ces moucherons, mais ils ne le purent, et les hommes et les bêtes en étaient couverts. Ces magiciens dirent donc au Pharaon, « C'est le doigt de Dieu qui agit ici. » Et le cœur du Pharaon s'endurcit, et il ne coûta point Moïse et Aaron, comme le Seigneur l'avait ordonné. Le Seigneur dit aussi à Moïse, « Levez-vous dès la pointe du jour, et présentez-vous devant le Pharaon, car il sortira pour aller près de l'eau. Et vous lui direz, « Voici ce que dit le Seigneur, laissez aller mon peuple afin qu'il me sacrifie. Que si vous ne le laissez point aller, j'enverrai contre vous, contre vos serviteurs, contre votre peuple et dans vos maisons, des mouches de toutes sortes, et les maisons des Égyptiens et tous les lieux où ils se trouveront seront remplis de toutes sortes de mouches. Et je rendrai ce jour-là la terre de Gessen où est mon peuple une terre miraculeuse, où il ne se trouvera aucune de ces mouches, afin que vous sachiez que c'est moi qui suis le Seigneur de toute la terre. Je séparerai ainsi mon peuple d'avec votre peuple. Demain ce miracle se fera. » Le Seigneur fit ce qu'il avait dit. Une multitude de mouches très mauvaises vint dans les maisons du Pharaon, de ses serviteurs, et par toute l'Égypte, et la terre fut corrompue par cette sorte de mouches. Alors le Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit, « Allez sacrifier à votre Dieu dans ce pays-ci. » Moïse répondit, « Cela ne se peut point faire, car nous sacrifierions au Seigneur notre Dieu des animaux dont la mort paraîtrait une abomination. Car nous sacrifierions au Seigneur notre Dieu des animaux dont la mort paraîtrait une abomination aux yeux des Égyptiens. Que si nous tuons sous les yeux des Égyptiens ce qu'ils adorent, ils nous lapideront. Nous irons dans le désert à 3 journées de chemin, et nous sacrifierons au Seigneur notre Dieu comme il nous l'a commandé. Et le Pharaon lui dit, « Je vous laisserai aller dans le désert pour sacrifier au Seigneur votre Dieu. Seulement n'allez pas plus loin, priez pour moi. » Moïse répondit, « Je prierai le Seigneur aussitôt que je serai sorti d'auprès de vous. Et demain, toutes les mouches s'éloigneront du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais ne me trompez plus, en ne laissant point aller le peuple pour sacrifier au Seigneur. » Moïse étant sorti d'auprès du Pharaon, pria le Seigneur, qui fit ce que Moïse lui avait demandé. Et il éloigna toutes les mouches du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple, sans qu'il en restât une seule. Mais le cœur du Pharaon s'endurcit, de sorte qu'il ne voulut point permettre encore pour cette fois que le peuple s'en allât. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.